ça marche pas à patente. Mais comment il a réussi? Humainement, ça marche pas parce que un pratiquant musulman est nécessairement un individu inférieur.